En Corée, se sont déroulées le 15 mai les activités consacrées à la journée du foot populaire de la Confédération asiatique du football 2017. Y ont pris part les élèves et les enseignants des écoles de sport juniors, les spécialistes et les amateurs de tout le pays. À la suite d'un cours sur la formation des footballeurs de réserve, a eu lieu une démonstration des élèves de l'école de football internationale de Pyongyang. Est divisée en catégories d'écoles primaires, des professionnels et des amateurs de plus de 35 ans, les participants ont disputé les matchs de foot.